L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mois d'avril 2018 sur l'antenne de votre radio locale pour une nouvelle édition de l'apostrophe l'émission. Avec aujourd'hui en studio à nos côtés Emmanuel Destremaux pour Madgrasse, la découverte d'une curieuse société qui n'est autre que la société secrète des herbes folles. On va en savoir davantage dans la suite de l'émission. Nous serons en compagnie également de Samuel Hercule pour Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin et Dans la peau de Don Quichotte, deux spectacles en version ciné-spectacle. Hervé Robe, chorégraphe, viendra nous parler du prochain spectacle à New Landscape 87-017, je le dis volontairement la française, puisque dans notre échange, on a parlé de ça, c'est une danse pour 10 danseurs. Et enfin, Julia Bernard, comédienne pour le spectacle La forêt qui marche, une pièce librement inspirée de Macbeth de Shakespeare. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Madgrasse, est-ce que je l'ai bien prononcé déjà? Bien, je me retourne sans plus tarder vers Emmanuel Destremaux, ce qui est en charge de la conception, de la réalisation de ce spectacle, et en compagnie, car elle n'est pas seule, d'Élodie Segui, qui elle-même a travaillé la mise en scène. Bonjour. Bonjour. Alors, Madgrasse, je disais qu'on allait partir à la découverte d'une bien curieuse société, ce qui n'est autre que la société secrète des herbes folles. Un spectacle qui nous convie à, eh bien, à une curieuse expédition. Oui, à peu près. c'est une société secrète qui est fondée par trois personnages qui sont au plateau et qui sont des jeunes gens. Hackers, guérilla gardeners et un peu nomades aussi, qui se promènent dans les villes et qui cherchent à répondre à tous leurs questionnements sur l'environnement, c'est-à-dire qui sont aussi les nôtres en fait. Donc hackers, ça veut dire qu'ils manipulent le langage informatique et qui peuvent à la fois s'attaquer à des entreprises qu'ils trouvent néfastes pour les embêter. Guérilla gardeners, ça veut dire qu'ils essayent de végétaliser des endroits, refaire surgir la nature dans les endroits trop bétonnés, mais aussi ils participent à un grand mouvement de sauvegarde des graines naturelles. Et donc, c'est en quelque sorte, ce sont des passeurs de graines. Et à travers l'endroit du théâtre et le plateau du théâtre, ils vont être aussi des passeurs de graines. On est un peu dans l'écologie 2.0, ça, non ? Absolument, c'est ça. C'est l'écologie 2.0, la permaculture, un langage aussi qui est celui de la jeunesse, c'est-à-dire des youtubeurs qui font des tutos, qui expliquent à leurs followers comment fabriquer des seed bombs, mais aussi, c'est tout ce langage-là. Ils font des morceaux de musique aussi pour comprendre un peu la société. Ils réinterrogent la société qui les entoure avec les outils de cette société d'aujourd'hui, en fait. Au départ, ils ne se connaissent pas, ces personnages. Ils se rencontrent, ils partagent effectivement peut-être une même vision de la société et du vivant dans la société. Oui, je crois qu'ils se sont rencontrés, on ne l'explique pas, mais je pense qu'ils se sont rencontrés soit dans une manif, soit dans un endroit de rassemblement, soit parce qu'ils plantaient chacun des tomates sur un trottoir, et donc ils se sont rencontrés un peu parce qu'ils étaient engagés individuellement, et puis ils se sont réunis pour associer leurs forces. Et ils manipulent un peu comme nous, on pourrait le faire parfois, quand on a entendu les infos, plein d'idées reçues sur l'état de la planète, mais ils n'en restent pas là, ils essayent d'agir en fait. Un spectacle à la croisée donc du théâtre, des arts plastiques et de la botanique. Car quand on parle de plantes, quand on parle d'espèces vivantes, végétalisées, et bien c'est du vivant sur scène également. Oui, tout à fait. On a mélangé sur le plateau en fait une vision urbaine qui serait un peu celle du Détroit post-industriel, donc la ville déconstruite, décomposée, des ruines du capitalisme, et peu à peu, la nature réapparaît, ressurgit dans ce contexte, avec des éléments vivants sur le plateau, et puis aussi des choses qu'on raconte qui sont sur le vivant, sur la composition des sols, sur la dépollution proposée par certaines plantes. Enfin, voilà, ça se mélange un peu joyeusement. Ils sont passés à l'action, ces fameux hackers, guérilla gardeners. Déjà, guérilla, ça fait un peu peur sur l'instant. C'est un peu dans le principe du combat, de la lutte pour, effectivement, un meilleur monde. Oui, bah oui, bah, de toute façon, on est obligé d'être... on est un peu obligé d'être en rébellion et activiste... si on veut avancer dans cette, à l'inverse de la surconsommation. C'est cette guerre-là, en fait, c'est une guerre contre la surconsommation qui abîme et qui étouffe. Ils ont un mot d'ordre qui est dans leur état d'esprit, libérer les graines, jusqu'au jour où, je crois, ils font la découverte d'une mystérieuse graine interdite. Non, elle n'est plus là. Non, elle n'est plus là, ça c'est un vieux dossier. En fait, les premières choses qu'on écrit aussi quand on cherche à raconter une histoire... ils n'ont pas trouvé une mystérieuse graine, mais ils sont surtout en connexion avec des vrais semenciers qui fabriquent des graines naturelles. Donc, on est en connexion avec un jardin au Liban. Pour le plonger dans le réel, depuis le plateau du théâtre. Étant dans une forme de résistance verte, pour le coup, comme on vient d'en parler. Mmh. Alors, on est loin de l'univers de Monsanto, si j'ai bien compris. Il y a un peu ça en critique derrière, car vous savez que ces dernières années, en France et en Europe, on a failli interdire la vente des graines des jardiniers à l'échelle purement locale, parce qu'il fallait effectivement mettre beaucoup de réglementation derrière tout cela. Et là, c'est un peu une forme d'alternative à cette vision mondiale. Bah oui, parce que ça a failli passer à l'Europe il y a un an. Très sérieusement. Il y a eu beaucoup de gens qui ont lutté pour que ça ne passe pas, mais on n'est pas à l'abri qu'ils remettent les choses sur le tapis. Et il y a cette histoire de brevetage des graines F1 qui sont stériles, qui sont dans le catalogue et on n'a pas le droit d'en acheter d'autres ni d'en cultiver d'autres. Enfin. Le contrôle des graines, c'est un endroit politique très très puissant. Donc, on participe nous à travers un projet vraiment artistique, mais et inventif et joyeux, mais à un grand mouvement de résistance mondiale. On a bien compris. Alors, sur le plan technique, sur le plan scénique, les acteurs se transforment, ils se fusionnent ou ils fusionnent avec les végétaux, devenant des personnages hybrides, finalement. Ils inventent une langue, je crois savoir, dans ce spectacle. Non. Alors non, il y a des choses qui ont bougé. Il y a une transformation. Il fabrique aussi des matières, donc des matières musicales, chorégraphiques pour exprimer ce qu'ils ont à dire. Ils se communiquent entre eux, mais parfois, donc il y a un des personnages qui est très très connecté, qui est sans cesse sur Internet à essayer d'être en contact avec les différents réseaux. Il y en a un, je ne sais pas s'il faut tout raconter, mais qui se transforme en buisson. Enfin voilà, il y a cette mixité possible avec la plante. On imagine que l'homme du futur, pourquoi est-ce qu'il serait connecté avec une puce, mais pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas justement un mélange avec les plantes. Voilà, on se pose des questions à la fois rationnelles et irrationnelles. Alors, les personnages, quand on parle de nature, quand on parle de végétaliser l'espace public, est-ce que au cours de ce spectacle, vous végétalisez le théâtre, le plateau, la scène ? Oui, tout à fait. C'est ça ? Oui. Et il est question d'une création musicale sonore qui accompagne l'ensemble ? Oui, en fait, ça ressemble un petit peu à un mode comédie musicale d'aujourd'hui, avec leurs ordinateurs et leurs... Le matériel nomade qu'ils apportent dans leur campement, ils fabriquent des musiques et ils s'expriment aussi par le corps, par la chorégraphie, etc. Et puis d'ailleurs, moi je suis en charge de l'écriture, du texte et de la musique et des vidéos, mais sur la musique, je collabore avec un artiste qui s'appelle Billy Jet Pilot, et moi, mon nom de musicienne, c'est Rupert Pupkin, donc on est deux à signer la musique de ce spectacle, et Elodie Segui la mise en scène, Alban Segui la scénographie, et on a trois acteurs merveilleux, je peux les citer. Absolument. Donc Jacinthe Capello, Amanda Olingou et Mathieu Dufour qui sont au plateau et qui manipulent des moisissures, des plantes, des musiques, des codes internet, des codes des tas de choses. Alors, sans tout dévoiler, mais j'ai cru, alors, sauf si les choses ont évolué, car on est dans du vivant, si j'ai bien compris, pour le public, il y a un petit plus, on dit qu'il ne repartira pas sans avoir appris à fabriquer, que lis-je, une bombe à graines ? Oui, pourquoi s'en priver ? Alors, c'est pas tout compliqué à faire, et c'est très rigolo, en plus, ça fait des petits après-midi où on met les mains dans la terre, et la seed bombe, c'est un endroit de liberté. Ça s'appelle bombe parce qu'on est dans le langage de la guérilla, de la résistance par rapport à tout ce qui est construit, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus joyeux que ça, dans ce que ça raconte. C'est-à-dire qu'on lance des graines et on espère qu'elles vont pousser, qu'une fleur va naître. Il y a le mouvement des guérilla gardeners est né en Angleterre. Et il y a quelques années où j'étais à Bruxelles, il y avait eu une opération guérilla gardening comme ça. Il y avait des tournesols qui avaient poussé partout dans la ville. Bah c'est ça, c'est assez joyeux, c'est assez joli. Mmh. Alors, pour faire juste un clin d'œil à des associations locales, c'est un peu dans la démarche des incroyables comestibles qui développent aussi effectivement l'idée de végétaliser les trottoirs, de végétaliser les villes qui sont devenues un peu sombres et qui est tout à fait positif. Mad Grass, c'est un spectacle à découvrir absolument les vendredis 18 mai, deux séances en scolaire, 10h-14h30, et pour tout public le samedi 17 mai à 17h. Ça sera donc à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, grand centre. Et Emmanuel Destremo, vous êtes venu avec une musique pour peut-être nous inviter dans cet univers sonore dont on vient de parler. Oui, absolument. C'est la complainte de l'artichaut. c'est la seule musique que j'interprète moi, parce que les autres sont interprétées par les acteurs. C'est pour ça que je pouvais pas vous les apporter, parce qu'on les a pas encore enregistrées avec leur voix. Et celle-ci, ça part d'un grand moment de colère et ça arrive, ça se transforme en danse et ça arrive vers une plante qui pousse sur le plateau. Voilà, je vous raconte peut-être beaucoup trop de choses. Merci Emmanuel Destremo. Thank you. the supermarket and I see an artichoke, a wonderful artichoke, a magical artichoke. Since I've been able to cook, I love to cook the artichoke. It's beautiful, his dress of petals made me feel strong like an oak. I see it, I touch it, I wanna catch it, but it's bright, burnished, gleaming like a slug. I see it, I touch it, I wanna catch it, but it's bright, burnished, gleaming like a slug. I wanna run away, I wanna shy away, but I feel such a pity for the poor green thingy. So I think I take him. Poor green thingy, poor green thingy. Better than a candy kicker, FC made with juice of face. Got up intestine and that chicks into tickle waste. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Hervé Robe, vous êtes chorégraphe, artiste associé au Centre National de Danse Chorégraphique d'Angers, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Vous venez prochainement à Cergy-Pontoise pour nous présenter une pièce chorégraphique qui a pour nom A New Landscape 87-017. Je le dis à la française, hein, pardonnez-moi. Oui, vous avez bien raison. Une danse pour 10 danseurs, et c'est une création récente puisqu'elle a été faite, je crois, en octobre 2017. C'est exactement ça. Voilà, exactement, elle a été créée fin septembre, début octobre, à Marseille, pour sa première. Pièce chorégraphique, disais-je, qui a un titre générique qui correspond en fait à un projet collaboratif et manifeste qui engage 10 danseurs qui sont de différentes générations et de différents horizons. Une manière déjà de mettre un peu sur le plateau votre approche chorégraphique. C'est exactement ça, puisqu'en fait ce projet New Landscape est l'aboutissement, on va dire, d'une forme plateau qui travaille cette question de la mémoire, de l'archive, puisque ça fait maintenant une trentaine d'années que je crée des spectacles chorégraphiques, des films, des installations. Et là, j'ai eu envie d'interroger toute cette mémoire avec ce groupe de 10 danseurs de générations différentes et d'horizons différents, certains ayant déjà collaboré avec moi, mais pour la majorité des gens qui étaient parfois même pas nés par rapport au premier projet que nous avons abordé. Mmh. Donc puisqu'il s'agissait de réactiver un certain nombre d'archives, de faire citation de gestes en fait, de projets qui se sont développés entre 1987 et aujourd'hui. Et l'enjeu n'était pas de faire de la reconstruction de répertoire, mais bien de faire un remix, on va dire, de toutes ces matières qui ont traversé ces 30 années de danse. Mmh. Et de voir comment porter par des cordes aujourd'hui, réinvestir, remixer, qu'est-ce qu'il nous était possible d'inventer comme nouveau scénario, en fait. Donc, d'où le titre aussi, Un nouveau paysage. Moi, je fais la traduction littérale. Absolument. Et voilà. Et donc, en fait, cet enjeu était de réunir ce groupe de 10 danseurs et de les immerger dans cette mémoire et de voir comment on pouvait aujourd'hui, tout en traversant des gestes qui datent des années 80, 90, 2000, etc., voir un peu qu'est-ce qu'il nous en restait, qu'est-ce qu'il pouvait faire sujet aujourd'hui à apparaître et à développer un nouveau scénario chorégraphique. Oui, parce que quand on parle de mémoire, on laisse supposer que on peut aussi, vous comme moi, voir la mémoire qui flanche, voir accepter l'oubli dans le fait de se remémorer. Alors, il faut accepter l'oubli à la fois pour se remémorer, mais aussi parce que j'ai la conviction que nos souvenirs parcellaires sont parfois beaucoup plus créatifs que la vérité, on va dire, historique. Pour un créateur, évidemment, on traverse le temps. Quand on a la chance d'avoir fait un long parcours, on a sédimenté beaucoup d'expériences, beaucoup de choses. Et pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir réinvestir le présent, il faut être en capacité d'oublier. Il faut être en capacité aussi de ne pas être dans un regard obsessionnel de l'exactitude de ce qui a été, mais bien de remettre au présent, de réinvestir au présent les choses et de voir de quelle façon elles font encore écho à notre actualité et comment les corps peuvent se réapproprier. Alors, ce qui a été intéressant dans tout ce parcours, c'était de voir justement que notre mémoire est sélective, notre mémoire est parcellaire, et en même temps, tant mieux. Et parce qu'il faut bien se réinventer au présent, mais aussi de voir comment parfois des représentations qu'on avait justement d'un geste ancien, passé, ou d'une forme chorégraphique passée, finalement étaient complètement d'actualité, pouvaient se remettre en jeu, et parfois des choses plus proches de nous dans le temps, qui était volontairement manifeste ou avait la sensation de s'inscrire vraiment au présent, avait déjà était déjà peut-être démodé. Donc tout le parcours de création qui a fait sujet de cette nouvelle création au New Landscape a été passionnant pour moi, et je pense a été aussi passionnant pour les danseurs qui, pour certains, n'étaient même pas nés parfois quand on travaillait sur une danse des années 80, etc. Certains jeunes danseurs de l'équipe sont nés dans les années 90, etc., donc n'avaient pas eu accès ou avaient des représentations parfois. Et heureusement, des représentations fantasmées de ces matériaux, de ce répertoire, de ces danses. Et là, de se reconfronter vraiment et de retravailler, de réincorporer ces matériaux, de les remettre en jeu au présent, c'était passionnant. Leur mémoire, souvenir, effectivement, ce forme d'héritage aussi, ce que l'histoire de la danse contemporaine a pu léguer aux uns et aux autres, qu'on soit ce danseur, que comme le public aussi a forcément en mémoire tous ces gestes et tous ces ces mouvements chorégraphiques. Là, vous dites, dans les intentions du spectacle, il n'est pas question ni de mélancolie ni de nostalgie, et vous parlez, vous donnez une belle image. Ce pour défendre un peu votre propos, ce peut être un zeste de recyclage d'archives, une sorte de développement durable, de gestes encore mis en partage. Exactement. Pour moi, la transmission, s'il s'agit de transmettre, de réactiver cette histoire, ne se situe pas du tout dans la mélancolie ou dans le manifeste sur les choses passées étaient mieux, etc. Bien au contraire. Et je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui est passionnant pour un danseur quand il a un long parcours, c'est de voir comment les choses, à travers son corps, se transforment, se déplacent, où il met son intention, où il met son audace. Et justement, cette idée d'une sorte d'écologie du geste aussi, parce que évidemment, des gestes on en a fait, et des danses on en a traversé, surtout quand on est comme ça sur la durée, mais justement il est toujours intéressant de les réincarner, que la chose se rejoue dans l'instant du spectacle, et il y a quelque chose pour moi en effet du développement durable, de la chose qui se transmet, qui se passe d'une personne à une autre, etc., qui se revisite, non pas dans la copie, puisqu'il s'agit bien pour chaque interprète de s'emparer de cette matière et de la réincarner, de la réinventer. On parle bien d'une mémoire chorégraphique qui se réinvente. Ça veut dire fort de cette histoire, fort de ces bribes de souvenirs aussi, de gestes qui vont traverser le temps. Cela crée forcément une pièce résolument contemporaine. Ah, je pense. Je pense parce qu'on s'autorise beaucoup de choses au niveau justement de cette revisitation de l'histoire. Je pense que paradoxalement, quand j'ai commencé ce travail sur la mémoire, j'avais parfois des inquiétudes en me disant bah oui, une chose qui a 30 ans, est-ce que c'est vraiment intéressant de revenir dessus? Et en fait, justement, ce qui était intéressant, c'était de voir la part d'actualité, la part de résonance qu'elle pouvait avoir aujourd'hui. Et comment à certains moments donnés, vraiment la matière, là, je parle de la matière du geste, etc., comment il a cette capacité à traverser le temps, et heureusement parce qu'il se réincarne par des jeunes interprètes, par des nouveaux interprètes, par des gens d'une nouvelle génération, comment il résonne, comment il s'offre au public et comment il résonne. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose d'une... Et puis je pense que c'est aussi de l'époque de se poser la question justement d'une histoire pas si vieille que ça. Vous savez, pour la danse contemporaine, 30 ans, c'est pas grand-chose, finalement. C'est dans une longue filiation de gestes, etc. Mais malgré tout, je trouve que ce qui est intéressant, justement, c'est de permettre cette remise en jeu. Et je crois, en effet, que pour le public, vous parliez tout à l'heure du public, je pense qu'en effet, ça questionne aussi la mémoire, la curiosité du public. Il a vu un certain nombre de spectacles, il s'est construit, on va dire, sa propre histoire de la danse, et là, de retraverser tout ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réminiscence, il y a quelque chose de l'évocation, il y a quelque chose de l'association d'idées aussi qui peut se mettre en jeu. En tout cas, il y a quelque chose d'un en commun qui se remet au partage, mais complètement dans un remix d'aujourd'hui. On parlait au début de notre échange d'un projet collaboratif. Là, vos danseurs, comme je le disais, différentes générations et différents horizons, ça a été forcément une belle ressource, riche ressource, même les idées et surtout les traces, les souvenirs de danse des uns et des autres. Ça a été surtout une grande recherche dans les processus finalement de réappropriation de ces danses ou de questionnement autour de ces danses, puisqu'il y avait plusieurs générations. Pour certains, ces danses, elles faisaient partie d'eux-mêmes, elles étaient encore présentes dans leur corps. Pour d'autres, c'était vraiment quelque chose qui était, j'ai vu ces choses-là ou j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais eu la possibilité de les traverser. Pour un danseur, il y a quelque chose comme ça de l'incorporation, de traverser un geste. On peut acquérir une culture sur la danse par son regard, bien heureusement. Mais pour le danseur, en fait, il y a quelque chose d'une chose qui est passionnante, c'est la possibilité de traverser, en fait. Vraiment d'incorporer, d'être acteur du geste. Et là, dans la mixité des générations et des parcours des uns et des autres, dans la rencontre qui a pu s'opérer entre eux, c'était vraiment extrêmement riche de collaboration, en tout cas, puisqu'il ne s'agissait pas de remonter stricto sensu des danses, mais de les interroger, parfois de les remonter, parfois de les remettre en jeu. Parfois, c'est plusieurs danses qui ont des sources très, très différentes, des origines très différentes qui sont associées, justement, des époques différentes qui s'associent. Et pour nous, ce qui était important, c'était d'inventer, encore une fois, un nouveau scénario au présent, quoi. Alors, il y aura forcément pour le public des instants flashback, j'imagine, faire un retour dans notre propre connaissance et dans nos propres souvenirs de danse. Et en même temps, il y aura de la surprise quand on parle de création, quand on parle effectivement d'une pièce résolument contemporaine. Alors, il y a ça, il y a à la fois une présence aussi, vous savez, d'éléments d'archives à l'image, hein. Et quelque chose de l'image vidéo qui participe aussi du spectacle, des archives sonores aussi, qui sont intéressantes, des récits, des musiques qui correspondent, ou des créations musicales qui ont correspondu à certains moments, etc., et qui sont finalement souvent liées à des périodes, à des époques. Donc il y a des tas de citations comme ça qui rythment l'ensemble du spectacle. Donc on est à la fois dans la réminiscence, dans la possibilité de faire lien avec... je sais pas, la musique des Smiths à un moment donné qui apparaît, qui est typique des années 80, et puis d'un seul coup, une création musicale d'une pièce relativement récente qui est remise en jeu avec une danse qui mixe différentes danses d'origine différente. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose de très généreux en fait, et c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, voilà, c'est une pièce de danse, c'est un spectacle de danse où la danse se déploie, porté par 10 interprètes vraiment super, extrêmement virtuoses et qui portent eux-mêmes déjà une histoire de génération d'interprètes particulières, mais qui se sont vraiment investis dans ce projet. Eh bien, formidable. On rappelle à nos auditeurs que ce spectacle, cette pièce chorégraphique est à découvrir le jeudi 3 mai prochain, 19h30, à l'apostrophe Théâtre des Louvrés à Pontoise. Ça dure environ une heure, c'est ça, sur le spectacle? Une heure et quart, à peu près. Voilà, et c'est à partir de 14 ans, je crois, que vous avez suggéré ce spectacle pour ceux et celles qui nous écoutent. A New Landscape, alors 87-017, j'ai bien compris, au regard et surtout à l'écoute de notre échange, que c'est 30 dernières années, ce spectacle à travers le prisme de l'histoire de la danse contemporaine, donc de ces 30 dernières années. C'est ça. Merci à vous. Merci Hervé Rob. Merci. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Julia Bernard, vous êtes comédienne. Nous allons parler d'un spectacle qui sera présenté sur Cergy Pontoise. Ce sera au mois de mai prochain. Un spectacle qui a pour titre « La forêt qui marche ». C'est, ai-je vu, le troisième et dernier volet d'une trilogie qui a été créée et mise en scène par Christiane Jataï, une metteur en scène brésilienne que vous connaissez bien. Oui, c'est ça. Ah bon, « La forêt qui marche », c'est le troisième spectacle de la trilogie. la trilogie, elle a tout fait avec des adaptations des textes classiques du théâtre. On a commencé avec Mademoiselle Julie, et c'est devenu Julia. C'est une adaptation qu'elle a fait en 2011. On a commencé ça au Brésil et on fait jusqu'à maintenant. Après, on a fait What If They Went to Moscow, et c'est elles y allaient à Moscou, qui c'est sur les trois sœurs de Tchekhov. Et après, La Forêt qui marche, c'est à partir de Macbeth. Mais c'est en fait, c'est plus en performance, c'est une vidéo-installation et c'est très ouverte. C'est une interprétation très ouverte de l'histoire de Macbeth. Oui. J'ai lu d'ailleurs à ce propos qu'il s'agit d'une pièce sur le pouvoir, mais où réalité et fiction s'entremêlent. Donc, Christiane Jataïs n'est pas dans la reconstitution et dans l'inspiration fidèle au texte original, mais elle prend un certain nombre de libertés. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On prend plus les notions de que Macbeth est quelqu'un qui représente le pouvoir et l'ambition de quelqu'un qui fait tout pour arriver au pouvoir. Parce que dans l'histoire de Macbeth, il est dans une bataille, il lutte pour les rois et il gagne. Et après les rois, il est condécoré des comtes. Et après, il rencontre des sorciers qui lui disent qu'il va revenir les rois. Alors, quand elle lui dit ça, il commence à avoir une ambition immense et il arrive à tuer les rois. Et après ça, il devient quelqu'un de très autoritaire jusqu'au moment qu'il est il y a quelques mots qui me manquent parfois. Mais qu'il souffre une défaite pour une armée qui rassemble une forêt. Mmh. Et c'est un peu la superstition que les sorciers lui disent. Ils disent qu'il va juste tomber de pouvoir si une forêt commence à marcher. Et ils pensent que ça, c'est pas possible. Mmh. Mais c'est parce que l'armée est tout cachée avec des feuilles et des arbres. Et c'est un peu ça, parce que, ce qu'on fait dans les spectacles, il y a quatre documentaires qui racontent des histoires de jeunes qui ont souffert à cause du pouvoir dans ce pays. Alors, il y a un documentaire d'un réfugié de la Syrie, il y a quelqu'un qui était emprisonné pour la manifestation de 2013 au Brésil, une prison politique. Il y a Michel, c'est la nièce d'un homme qui était mort dans les favelas, dans la main des policiers. Alors, ces documentaires, ils tous racontent des histoires sur des gens qui ont eu la vie empêchée par des questions de pouvoir. Mmh. J'ai bien compris. Leur vie à chacun a été impactée par le système politique, social de leur pays. Et là, ça peut se situer dans différents pays et en particulier au Brésil. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est un peu comme ça, comme si Macbeth, pour nous, c'était le système de pouvoir. Oui. Mmh. Revenons à ce spectacle. D'abord, effectivement, Christiane Jataïs, metteur en scène de ce spectacle, nous invite, l'histoire se situe, on est loin de l'univers de Macbeth de Shakespeare, puisque l'histoire se situe à l'occasion d'un vernissage d'une exposition, c'est ça, où il est question d'un cocktail, d'une forêt d'écran, d'une installation vidéo, une situation un peu banale qu'on peut vivre quand on va assister à un vernissage d'exposition, mais il va se passer quelque chose. Ah oui, bien sûr. Je vais pas donner des spoilers pour les gens qui vont voir, mais c'est un peu, je pense qu'il y a une grande contradiction entre la situation de la vernissage, qui c'est un peu superficielle, et les contenus des vidéos, qui sont ces documentaires sur des gens qui ont vécu des choses très violentes dans leur vie. Alors, je pense que le public, il a beaucoup de possibilités. Il rentre dans un espace, il doit choisir qu'est-ce qu'il va faire là-bas, s'il va juste boire, s'il va s'asseoir et faire attention aux vidéos. Et aussi, le public a de la chance aussi d'avoir des casquettes pour participer un peu de la performance. On construit la performance avec le public. Pardonnez-moi, Julia, ça veut dire que le public se déplace, déambule, il passe d'un espace à un autre? Non, c'est juste un espace. D'accord. C'est un espace qui a les bars et il y a quatre écrans avec des fauteuils, tu peux s'asseoir pour regarder les vidéos, les documentaires, et ils passent en boucle. Alors, ce sont quatre documentaires et tu peux voir chacun. Et il y a les bars aussi, mais chacun doit choisir quoi faire, comment faire. Il n'y a pas d'indication de qu'est-ce que tu dois faire. Alors c'est vrai que Christiane Jatahi nous a habitués effectivement au travers de ses précédentes pièces à prendre des libertés en effet par rapport au texte original, mais son travail théâtral se passe aussi dans l'implication plus active du public. C'est l'occasion pour elle d'approfondir un peu une expérimentation dans la relation du public avec le spectacle, avec la scène. Oui, bien sûr. Je pense que de tous les spectacles qu'on a fait, c'est le spectacle auquel le public a plus d'importance. Il est presque, il est un personnage là-bas. Il fait partie de la performance, effectivement. Il n'est pas assis sur le public, un peu passif. Non, c'est le spectacle que le public est plus actif et qu'il fait des différences dans la performance. Mmh. Parce que on commence à faire des actions au milieu de cette vidéo-installation. Je ne veux pas parler beaucoup pour ne pas tout dévoiler. Oui, c'est ça. Mais ça dépend aussi de le public. À chaque jour, ça dépend de comment le public profite de l'espace et de les choses qu'il peut faire là-bas. Ça change complètement la performance. Mmh. Oui. Alors, qu'on soit bien clair pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou d'incompréhension. Oui, parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle, alors parfois, je ne sais pas si je Non, non, vous très parlez, clair. Vous parlez très bien, vous parlez très bien, merci, Julia. Merci. Mais c'est juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu pour ceux et celles qui nous écoutent, ce n'est pas une reconstitution de Macbeth de Shakespeare. Hein. La pièce est librement inspirée, mais on est bien dans un propos autour du pouvoir, effectivement, ça c'est la trame du spectacle, où la réalité s'entremêle avec la fiction. C'est ça qu'il faut préciser à ceux et celles qui nous écoutent. Donc il y a effectivement un dispositif particulier pour que le public soit immergé dans cette relation au théâtre. Oui, bien sûr. Oui, c'est bon d'être très clair sur ça, parce qu'on ne va pas raconter toute l'histoire de Macbeth là-bas, même parce que je suis juste la seule comédienne sur scène, mais ça serait impossible de faire toute l'histoire, et c'est pas les propos. Les propos, c'est de partir de la question principale dans les textes de Macbeth, qui c'est l'ambition et le pouvoir, et apporter ça sur notre jour maintenant, et penser comment la puissance Macbeth de l'ambition et de chercher le pouvoir, comment ça se passe aujourd'hui, comment on peut penser le système de pouvoir à partir de Macbeth. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est projeté, les témoignages d'hommes et de femmes qui seront projetés à cette occasion, là, on est sur des témoignages bien réels. Oui, c'est ça. Ils sont complètement réels. Ce sont des interviews que la metteuse en scène Christiane, avec Paolo, qui c'est notre directeur de photographie, ils ont fait des interviews avec quatre personnes qui ont vécu des histoires très violentes dans leur vie. Et ce sont des documentaires complètement réels. Mmh. Et il y a toute une rapproche des images très belles qui Paolo fait dans la maison de chacun, avec les discours de chacun sur l'événement qui a passé dans leur vie. Mmh. Oui. Et le rôle que vous interprétez, vous, Julia, ce spectacle et dans ce dispositif dont on vient de parler, vous incarnez quel rôle ? Je pense que, les plus proches que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est un peu la fonction des sorcières, parce que j'aide un peu le public à participer de la performance. Et je fais des actions qui amènent peu à peu la fiction dans la réalité, dans l'espace. On construit des images et des choses qui pour moi, c'est un peu la fonction de la sorcière, qu'elles sont là pour donner les impulsions, les stimulus pour Macbeth. C'est un peu ça. C'est un peu discret au début, et après, la performance vient plus fort. Mmh. Mais comme je t'ai dit, le public, il a la possibilité d'avoir des casques. Et Chris, elle donne des propositions au moment pour qu'il participe aussi dans la performance qu'il y a au milieu de la vidéo-installation. On a bien compris que le public est immergé dans cette expérience et dans ce dispositif cinématographique le biais de la vidéo en particulier. Oui. D'accord. Oui, juste pour conclure, La forêt qui marche, si j'ai bien compris et bien lu le dossier de presse, c'est finalement le public qui incarne cette forêt qui marche ? Oui. Je pense que oui, c'est un peu ça l'analogie qu'on fait. Mmh. C'est un peu comme, je pense que l'idée c'est que si on peut à lutter contre les pouvoirs et l'ambition et l'autoritarisme. Si on veut vaincre ça, on doit être tous ensemble. Je pense que c'est un peu ça l'idée. En 2011, vous avez reçu le prix de la meilleure actrice au Brésil. C'est une information que je donne à nos auditeurs ici qui vont assister. Non, c'est pas vrai cette information. Non, ah bon? Non, j'ai reçu un prix. Juste alors, dites-nous, puisque vous n'êtes pas d'accord avec ce prix de la meilleure actrice au Brésil. Non, je n'ai pas reçu un prix de meilleure actrice en 2011. Non, ce n'est pas vrai cette information. J'ai reçu un prix au cinéma, de meilleure actrice au cinéma du Festival de Rio en 2015. Ah, ben ça veut dire quand même que vous êtes une grande actrice. Voilà où je voulais en venir. Merci. Merci beaucoup. Merci. On vous espère donc au mois de mai à Cergy-Pontoise, au nord-ouest de Paris. Ça sera les 25 mai pour 3 représentations dans la journée, 10h, 14h30 et 20h30. Et le samedi 26 mai pour 2 représentations dans la journée à 15h30 et 20h30. Et tout cela, ça sera présenté à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Ouais. Un grand merci, Julia. Merci beaucoup, Rosé. C'est un plaisir de parler avec toi. Merci à toi. Merci. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. de vinho tinto de sangue. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Samuel Hercule, vous Bonjour. Êtes l'un des dirigeants. Quelle est votre fonction précise à la compagnie La Cordonnerie ? Un des metteurs en scène. Un des metteurs en scène. Une compagnie qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, je crois, travaille pour faire le lien entre théâtre et cinéma. C'est peut-être un raccourci, mais est-ce que ça va bien dans la bonne direction ? Oui, sachant que c'est pas une finalité de faire ce lien-là. Disons que nous, on travaille avec ces différents arts, donc avec le cinéma, avec le théâtre, avec la musique aussi, qui a une place très importante, et le son, sur des spectacles qui mêlent et qui entremêlent ces différentes disciplines. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on mène depuis assez longtemps. Nous allons, au cours de cet échange, parler de deux spectacles. Le premier, Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, puis le deuxième, Dans la peau de Don Quichotte. Commençons par le premier, un spectacle qui sera à l'affiche les 24 et 25 mai prochains, ainsi que le dimanche 27 mai, à l'apostrophe Théâtre 95, à Cergy-Centre. Là, il s'agit d'un conte enchanteur qui se passe dans nos jours. Vous avez transposé l'histoire dans le réel d'aujourd'hui ? C'est ça, on a transposé l'histoire de Blanche-Neige, donc... L'histoire commence à la fin de l'été 1989, au moment où le mur de Berlin existe encore, et ça raconte Blanche-Neige du point de vue un peu de la belle-mère, c'est-à-dire on prend le conte à l'envers, au lieu d'être raconté du point de vue de l'enfant de Blanche-Neige, il est raconté du point de vue de la belle-mère, et donc on redécouvre cette histoire que tout le monde connaît en ayant une nouvelle version, moins caricaturale et plus étonnante. Avec des personnages, on va dire, un peu gratinés. Je vois que l'adolescente est gothique et sa belle-mère est une femme d'une quarantaine d'années, hôtesse de l'air à l'air pincé. Alors quand je dis particulière comme personnage, en même temps, c'est des personnages qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et elles habitent dans une cité HLM qui s'appelle Le Royaume. Blanche, elle n'a plus de parents, elle vit avec sa belle-mère qui elle-même est hôtesse de l'air, donc qui a amené quand même à beaucoup partir. Et bonhomme à l'an, la vie n'a pas été facile ni pour l'une ni pour l'autre, elle vit toutes les deux, et puis il y a un miroir dans la salle de bain, un miroir qui est magique, et c'est la seule chose magique qu'on ait gardée de l'histoire des frères Grimm, et qui va être le lien, et qui va être celui qui sème la zizanie entre les personnages. Oui. Alors, la vie à deux, pour ceux qui l'expriment et surtout qui l'expérimentent, on sait que c'est pas toujours simple. Et là, pour ces deux personnages, au fil du temps, s'installent des tensions, des malentendus, une forme de mur finalement. Voilà, c'est le parallèle qu'on voulait faire en tout cas dans notre spectacle, c'est-à-dire qu'en fait, entre ces deux personnes, entre une adolescente et sa belle-mère, il y a un mur un peu virtuel qui s'est créé, qui fait qu'elles ne se parlent pas vraiment, qu'elles ne se comprennent pas, et qu'il y a un mur que beaucoup de parents peuvent connaître, parfois les adolescents, c'est d'avoir un dialogue, de les comprendre et vice-versa. Ils ont du mal à nous comprendre aussi. Et donc on voulait faire le parallèle entre ce mur virtuel qui peut exister entre deux êtres à des périodes de leur vie, et puis un mur réel, c'est celui du mur de Berlin. Et pour appuyer votre histoire sous cette forme de conte enchanteur, vous reprenez un certain nombre de symboles de l'histoire originelle de Blanche-Neige. Entre Blanche et Elisabeth, on y retrouve à la fois la forêt, on y retrouve les pommes, la pomme d'amour, le miroir, vous en avez dit un mot, voire même les nains de jardin, je crois. Voilà, les nains qui deviennent des nains de jardin, effectivement, qui vont avoir leur importance à un moment. C'était important pour nous de prendre tous les passages obligés. Blanche-Neige, c'est sans doute le conte le plus connu, hein, je pense. Oui. Et donc, tout le monde en a surtout en tête, en fait, la version de Walt Disney. Parce que, par exemple, les sept nains, c'est une invention de Walt Disney. Dans les frères Grimm, ils parlent juste de nains. On n'a pas le nombre. Et en fait, on trouvait ça à la fois amusant et intéressant de reprendre tous les gimmicks, tous les passages obligés de Blanche-Neige, le prince charmant, le baiser... Et donc tout ça va être égrené au fil de notre histoire, sauf que notre histoire raconte une histoire vraiment très différente, en ayant les codes de Blanche-Neige. Et en même temps, le lien avec les événements de 1989, la chute de Berlin, c'est devenu une réalité. dans l'histoire, il va y avoir effectivement l'une et l'autre vont chuter ensemble ou séparément. C'est vrai que nous appuyer sur cet événement qui est quand même un des derniers grands événements heureux que le monde ait pu connaître. Des grands moments comme ça que personne n'oubliera, qu'il a vécu et qu'il n'oubliera pas, soit vraiment joyeux. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que cette chose, ce monde qui débutait pour les Allemands de l'Est et de l'Ouest, on trouvait que c'était une belle symbolique. Et que parfois, c'est intéressant de voir comment ces événements heureux ou malheureux pouvaient bouleverser nos vies intimes. Est-ce à dire que des images de ces événements vont être projetées à l'occasion du spectacle ? Oui, tout à fait. Le spectacle se termine la nuit du 9 novembre 1989. Et donc on a des images de la chute du mur de Berlin. Je crois aussi que dans votre travail, vous attachez beaucoup d'importance aussi à la création donc sonore et musicale. Quelle est la partition qui va accompagner ce spectacle ? Alors musicalement, il y a sur le plateau deux comédiens et deux musiciens. Donc Timothée Joly qui est le compositeur et Florie Perroux. Timothée qui est au piano et qui fait beaucoup de piano préparé, c'est-à-dire qu'il met de la pâte à fixe à l'intérieur sur les cordes là, pour changer le son. Il joue d'autres petits claviers. Il est accompagné par Florie Perroux, qui est une percussionniste qui joue à la fois de la grosse caisse d'orchestre, de la batterie, des cloches tubulaires et toutes sortes de petites percussions également. Et Métis Veillardens, donc il est la co-metteur en scène de la compagnie avec moi et moi-même, on joue avec eux de temps en temps également. Donc parfois on est quatre à jouer à certains moments. Et puis Mathilde et moi, pendant toute la durée du spectacle, on fait les bruitages en direct. C'est-à-dire qu'on réalise la bande son du film, parce que c'est important de dire que c'est un film qui est donc projeté pendant tout le spectacle. On réenchante, si vous voulez, la bande son de ce spectacle avec des objets du quotidien. Donc on fait des bruitages, une sorte d'invention comme ça, pour recréer la bande sonore. J'indique que le spectacle a bien eu bonne presse, magique, drôle, bouleversant, éblouissant, intelligent et rigolo. Or, on va même jusqu'à dire que ce spectacle n'est pas fait que pour les enfants, donc la dimension merveilleuse et magique est communicative à tout public. Alors ça, c'est une des choses qui est très importante pour nous, c'est qu'on n'a jamais fait de spectacle pour les enfants. C'est-à-dire que faire un spectacle pour les enfants, c'est, de notre point de vue en tout cas, l'assurance de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, on a toujours fait des spectacles qui étaient accessibles à partir d'un certain âge, mais qui étaient des spectacles pour les adultes. Pour nous, c'est très important de dire que ce spectacle, il s'adresse aux enfants à partir de 8 ans, mais surtout et bien sûr aux adultes. Nous, on a toujours fait des spectacles en ayant cette pensée-là, de ne pas avoir la chose à minima, c'est-à-dire de ne pas vouloir s'adapter au regard enfantin, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, c'est plutôt d'ouvrir et de présenter un spectacle le plus universel possible. Pour nous, c'est très important. Autre proposition, autre ciné-spectacle, cette fois-ci d'après l'œuvre de Cervantes, Dans la peau de Don Quichotte. Spectacle qui sera également proposé au mois de mai, le vendredi 25 mai, 20h30, au Théâtre de Jouy à Jouy-le-Moutier. Là, après avoir été dans les événements de 1989, on passe la décennie suivante, on se retrouve, on se plonge dans le mois de décembre 1999, au moment ultime, dans quelques jours, la menace de l'inconnu, la terreur, le cataclysme, on s'attend à la fin du monde. Non, on passe simplement le bug de l'an 2000. Exactement, c'est notre personnage principal qui s'appelle Michel Alonso, qui est un bibliothécaire dans une petite ville dont on oublie toujours le nom. Donc ça fait de nombreuses années qu'il réalise la modernisation des catalogues. C'est-à-dire que grosso modo, il lit les livres de la bibliothèque, il fait des résumés, il les scanne et il les rentre dans la database de son ordinateur. Et là, d'un coup, effectivement, on s'est replongé dans cette grande frayeur, terreur même, qu'il y avait en décembre 1999 autour du bug, et qui était une chose bien réelle, parce qu'aujourd'hui on en rigole, parce qu'on sait que c'est pas arrivé, mais à l'époque les gens rigolaient pas du tout avec ça. Et donc on s'est replongé là-dedans, et donc notre Michel Alonso a tellement peur du bug qu'au moment du passage à l'an 2000, c'est pas son ordinateur qui va bugger, c'est lui. Il va se retrouver dans la peau de Don Quichotte. Alors, Don Quichotte avec cette image de chevalier errant, pour ceux qui n'ont pas encore connu cette histoire, qui parcourt les déserts espagnols à dos de mulets. Là, c'est un spectacle qui nous entraîne à la fois aux confins du réel et d'un monde imaginaire, c'est ça ? Après, oui, c'est un spectacle qui est en plusieurs parties. On va avoir toute une partie espagnole, c'est-à-dire toute une partie où il se retrouve dans une Espagne fantasmée et effectivement où on retrouve certains des personnages bien connus comme Sancho Panza, qui l'accompagne dans son périple. Avec des images projetées, c'est bien ça encore. Voilà, tout à fait. Ouais. Et avec contrairement à Blanche-Neige où il y a un seul et même écran toute la durée. Donc Quichotte, il y a trois écrans différents suivant les moments, c'est-à-dire suivant le point de vue et ce qu'on veut raconter, on change totalement de support de projection. Et donc après, on va se retrouver début 2000, dans une sorte, ça se passe un peu en Picardie, hein, dans des grandes plaines comme ça agricoles, et on va retrouver Michel Alonso tel qu'il est, et plus tel qu'il se rêve être, et on va voir comment un Don Quichotte aujourd'hui, dans un monde contemporain, ou presque, enfin en tout cas en 2000, comment un Don Quichotte serait vu et reçu par la population. Alors Don Quichotte, pour le coup, Michel Alonso ne se retrouve pas seul dans cette aventure. On y retrouve dans le rôle en quelque sorte de son fidèle écuyer Sancho, qui est un autre personnage que l'on croise dans cette bibliothèque. Voilà, c'est un peu l'homme à tout faire, l'agent d'entretien, qui n'est pas toujours très malin, mais qui est très gentil, très serviable, et qui va donc le suivre dans cette aventure jusqu'au bout. Sans oublier l'autre personnage, parce que la quête de Don Quichotte, c'est l'amour. Cherchant sans cesse à dulciner, là, c'est une lectrice qui est très présente dans la bibliothèque également, qui va se retrouver happée par cette histoire. Voilà, en fait, au début du spectacle, Michel Alonso, qui est un homme extrêmement taciturne, c'est peu de le dire, un bras de bibliothèque vraiment, il va avoir un coup de cœur pour une lectrice qui sort d'un ascenseur à un moment. Et il va chercher dans les fiches d'inscription de la bibliothèque comment elle s'appelle. Puis donc quand il va décompenser et devenir Don Quichotte, cette lectrice va devenir sa dulcinée, qui est un terme qui a été inventé par Cervantes. Et la dulcinée qui est donc une sorte d'idéal inatteignable, sinon elle n'a plus raison d'être vraiment. L'amour impossible, inatteignable, en effet. Alors, le bog, oui, je dis le bog, et parce que à la fois c'est le bug, mais dans l'histoire, on parle de bog, c'est ça? À l'époque, on ne savait pas trop comment dire. C'est toujours le problème avec les noms anglais qui viennent d'arriver. Donc, il y avait certains qui disaient bug et d'autres qui disaient bog. Voilà, donc c'était assez drôle. On naviguait toujours entre le bug et le bog. Et là, justement, en naviguant également de l'écran à la scène, du théâtre à l'image filmée, donc au cinéma, c'est là encore l'occasion pour vous de naviguer entre réalité et imaginaire. Oui, oui, c'est-à-dire que notre travail se mélange entre théâtre, cinéma, musique et bruitage, enfin... Ça allait assez bien pour raconter cette histoire de Don Quichotte, qui est quelqu'un qui navigue toujours entre plusieurs réalités, la sienne, son idéal chevaleresque, et puis le monde réel et le principe de réalité auquel il se heurte sans arrêt. Et c'était, je pense, un projet qui était tout à fait judicieux dans le dispositif qu'on développe. Vous avez mis en exergue une citation de Marcel Proust. « Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre, ce soit encore la rêver. » C'est un petit peu la direction qui vous a animé pour la création de ce spectacle? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, quand on a un personnage comme ça qui a une vie très réglée, qui décompense totalement et qui devient une sorte de clochard céleste, enfin quelqu'un qui va, ses pieds le mènent, ça pose la question de où est-ce qu'on place la folie? Est-ce que la folie est d'être un rat de bibliothèque qui vit seul, qui mange en regardant les infos devant sa télé tous les soirs, ou d'être quelqu'un qui arpente les champs et est prêt à toutes les aventures? Et sans doute que la réponse se trouve un peu entre les deux, mais c'était intéressant en tout cas de se dire que la réalité n'est pas forcément placée toujours au même endroit, suivant les personnes, suivant les moments. Très bien, eh ben, je vous remercie Samuel Hercule. Ben, je vous en prie. À bientôt alors. Oui, à très bientôt sur Cergy Pontoise. Oui. Merci à vous. Ainsi s'achève notre émission. Pour toute information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été donc présentés à l'occasion de cette émission aujourd'hui, vous composez le 01 34 20 14 14, le 01 34 20 14 deux fois, ou sur internet à la bonne adresse, le www.l'apostrophe.net. Remerciements à tous nos invités, comme à l'habitude, ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer préparé cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour sa réalisation technique. Une émission préparée et animée par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée samedi prochain. Nous serons le 14 avril de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM ainsi que sur radio-rgb.net, puis disponible ensuite en podcast à cette même adresse. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, c'est pour le mercredi 9 mai prochain de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et à l'écoute de votre radio locale sur le 99.2 FM, c'est RGB, mais également sur internet, là encore, radio-rgb.net. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.